bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, vous avez vu l'intitulé, donc limite et frontières dans la haute vallée de la Meurthe. Axe, voie de communication et de transport dans l'Antiquité. Bon, ça c'était pour bien caler avec le sujet. J'espère pas trop vous décevoir, parce que vous verrez, je vais commencer surtout par limite et frontières, puisque c'est un sujet que j'ai développé pour l'Université de Strasbourg au mois de janvier dernier. Là, je commence tout de suite, donc limite et frontières, en incluant quelques bornes. Alors, pour les périodes antiques, on part toujours de la méthode régressive, c'est-à-dire qu'on part des limites laissées prises par l'Église plutôt, et qu'on connaît pour les périodes moyenâgeuses, pour ensuite les caler sur la période romaine et remonter a fortiori à la période gauloise. Là, on part de quelques constats, de pierres bornes. Alors on appelle ça peut-être des menhirs de pierres qui existent dans le paysage. Vous savez que les Gaulois ou les Celtes ne taillaient pas les menhirs, contrairement à ce qui est dit dans la bande dessinée, mais en tout cas, ces menhirs étaient présents déjà dans le paysage de nos anciens. Tout de suite, le menhir de Raon-l'Étape, celui qui est près du stade. Justement, vous avez le lieu-dit derrière Pierre Borne. Donc, c'est un menhir de granit rose qui domine un carrefour de chemin certainement très ancien. Là, on n'a pas de date, mais pour ces bornes-là, on pense qu'elle remonte à la période néolithique. Elle marque le paysage déjà très tôt dans la préhistoire. On est en gros un peu plus de il y a un peu plus de là de 5000 ans. Un deuxième ici, donc vous êtes à Raon-l'Étape. Un deuxième aussi sur la commune de Raon-l'Étape, mais à proximité du site de hauteur qui se trouve juste ici. Oui. Juste ici, le site de hauteur de la pierre d'appel qui domine Étival-Clairefontaine. Vous avez le menhir des Lèches, ici un menhir de grès rose. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le menhir des Lèches domine aussi des voies qui passent à proximité. Certaines sont remontrées à la période antique et desserviraient la pierre d'appel. Et puis, d'un côté et de l'autre, donc ces voies arriveraient de l'ouest. Et puis, pour repartir vers Raon-l'Étape et puis ensuite la vallée de la Haute-Meurthe côté Saint-Dié. Si vous regardez le menhir des Lèches, on est très proche des lieux qui occupaient le territoire il y a un peu plus de 2000 ans. Je fais ça, alors c'est peut-être un raccourci, mais en tout cas, on a peut-être là le témoignage d'un ancien de cette tribu qui occupait. Vous voyez ici, vous avez le plateau des Lèches et le menhir des Lèches. Vous verrez ensuite, là on va passer à une autre borne. Là, on est à l'est du... À l'est du bassin de Saint-Dié. On est à proximité de Salles, du col de Salles, donc pour nous rendre ici dans la vallée du Rhin. Vous avez un lieu-dit ici qui s'appelle les Quatre Bornes. Vous avez ici un cliché qui les présente, donc des bornes plus récentes qui délimitaient la frontière entre la principauté de Salm, le duché de Lorraine et puis l'Alsace. Et on a cette borne qui s'appelle la borne mère, qui remonterait à la période antique et bien sûr qui domine aussi la voie romaine, celle dite du sel, qui part en gros de Saint-Blaise et qui se dirige vers Salles pour ensuite descendre dans la vallée de la Bruche et se rendre dans la vallée du Rhin. Voici les quelques bandes qu'on peut avoir sur le territoire. J'ai parlé là en deuxième petit point, les principaux types toponymiques. Donc justement, c'est à partir de la toponymie, voir ce qu'elle peut nous révéler ou ce qu'elle conserve. Là, on a on a le suffixe gaulois randa. Là, j'ai mis ico randa. Donc, randa, ça serait un mot nous viendrait des Gaulois et qui signifierait la limite ou la frontière. Son équivalent en latin, c'est ad fines. Là, vous avez les frontières supposées du territoire lequais, du territoire médiomatrique. Donc, en 1, je vous ai mis le lieu-dit les Hervantes, donc sur la commune actuelle de Moncel-sur-Seille en Meurthe-et-Moselle. Les Hervantes pourraient conserver ce rente qui signifie donc frontière chez les Gaulois. Et comme vous pouvez le constater, il est sur cette frontière supposée. Qui nous intéresse aussi, le numéro 2, les Arandes. Alors là, on retrouve bien le suffixe randa de frontière sur la commune de Busson en Haute-Marne, ici en numéro 2. Et puis le numéro 6, c'est un ad fines latin qu'on retrouve sur l'itinéraire d'Antonin, donc d'anciens itinéraires antiques, datés là du 3e, 4e siècle de notre ère, qui nous permettent de fixer quelques frontières. J'en ai ajouté quelques-unes. ici sur la table de Peutinger, qui est une carte routière de l'Antiquité, datée du 3e, 4e siècle. Malheureusement, on n'a pas le document originel, mais on a une copie médiévale qui porte le nom de son inventeur, d'ailleurs, de Conrad de Peutinger. Là, ici, vous avez le supposé sanctuaire d'Apollon à Gran. Vous avez ici le nom de Andésina, qui serait le nom antique de l'agglomération antique de Gran. Et puis vous avez ici, juste avant, Atfinès. Ceux qui connaissent ici, on a l'agglomération de Nazi, donc l'agglomération antique de Nasium, née aux forges actuellement dans la Meuse, puisque la capitale supposée de la tribu des Leucs serait sur l'oppidum de Beauviol, donc dans la Meuse. Et au pied de cet oppidum va se développer, au cours du 1er siècle de notre ère, la ville de Nasium, la ville gallo-romaine. Puis ensuite, la capitale va bouger pour se fixer à Toul, qui est stratégiquement mieux placée sur les voies antiques et sur les boucles de la Moselle pour, justement, certainement un commerce et puis une voie fluviale intéressante. Donc voilà encore un Atfinès qu'on peut retrouver sur les documents qui permettent de travailler sur ces périodes assez reculées. Là, j'ai ajouté un autre ici, une autre référence toponymique, puisque là où vous avez la petite flèche bleue. Ici, nous sommes en fait dans le secteur de Pont-à-Mousson, et comme par hasard, juste à côté, on a également le menhir de Pont-à-Mousson qui s'appelle La Pierre-Augeot. Et ici, on serait donc à la limite entre la tribu Leuc et la tribu Médiomatrique. Et on sait que dans ce secteur-là également, on a, pour la période romaine, des passages de quelques légions qui ont exploité les carrières de pierre de Norrois. Notamment la 21e Légion, mais j'y reviendrai tout à l'heure, la 21e et la 10e Légion, qui ont exploité, qui ont laissé des traces sur ce secteur-là, un secteur certainement sûrement de frontières. Comme je vous disais encore, donc, ce menhir qui marquerait une frontière préhistorique, mais conservée peut-être chez les Celtes, pardon. J'ai ajouté encore un autre point intéressant. Ici, alors là, on se situe à la frontière entre plusieurs tribus, Leuc, Médiomatrique, les Tribocs, côté alsacien. Vous savez que les Tribocs s'installent sur l'ancienne. Enfin, ils sont placés là par les Romains et s'installent sur l'actuel Bas-Rhin, puisque c'est une tribu qui a aidé les Romains, et pour les remercier, les Romains les installent dans cette vallée du Rhin. Et donc, ici, on a la frontière entre ces trois tribus, donc Tribocs, Médiomatrique et Leuc. Si on regarde ce qu'on a dans le paysage, juste sous l'actuel sanctuaire antique du Donon, on trouve cette petite chapelle. Donc vous allez me dire, tiens, étonnant, une petite chapelle, mais la Vierge qui est vouée dans cette chapelle, c'est la Vierge de la Délivrance. Il y a quelque temps, on l'appelait encore Vierge de la Délivrande. En gros, on en connaît une vingtaine sur tout le territoire français. Qui ce sont des chapelles situées sur les frontières de diocèse, mais qui conservent certainement une frontière plus ancienne, puisque délivrande, on retrouve encore notre suffixe randa qui signifie frontière ou limite chez nos Gaulois. Juste au-dessus, là on a prospecté, je vous ai mis, donc c'est la chapelle de Türkenstein Blanc-Rue, je vous ai mis ici la localisation de la chapelle. Juste au-dessus, on a une voie qui a pu servir de voie frontière, voie antique, alors on dit voie romaine, mais elle a pu exister certainement juste avant aussi à la période gauloise, avec deux bornes dans le paysage qu'on retrouve aujourd'hui. Vous avez ici la borne dite du sac de pierre, et puis comme par hasard, à 2 400 km en gros, donc on n'est pas sur des bornes milliaires, mais bien sur de la borne Leuguer, vous avez ici la seconde borne, et puis si on continue là vers le nord-ouest, on se rend vers Saint-Quirin, vers Sarrebourg. De l'autre côté, juste ici au sud-est, on va vers le sanctuaire du Donon, qui était un sanctuaire de frontières comme Gran. Voilà, je vous ai mis ici une petite photo. Donc, grand sanctuaire de hauteur. Ici, on est à 1000 mètres et il a déjà été occupé à la période celtique. Donc, période celtique, moi, à la fin du premier âge du fer, puisqu'on a des meules en rhyolite des fossodes, j'en reparlerai tout à l'heure, qu'on a retrouvées. Donc, il nous révèle une occupation au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, une grande occupation au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis la période romaine avec ce grand sanctuaire voué à Mercure. certainement à Vouzégus, ce fameux dieu qui laisse son nom au massif des Vosges, vénéré au Donon, en tout cas dans toute la vallée du Rhin, puisqu'on a retrouvé des autels à Strasbourg et puis à travers toute la vallée du Rhin, un peu plus vers le nord. J'ai ajouté également un autre indice toponymique qui marquerait cette frontière antique, ici la flèche bleue, ici sur la carte, qui correspondrait en fait à l'oppidum du Châtelet, à Gourzon. Cet oppidum attribué au Leuc serait un oppidum de frontière, et juste à côté, qu'est-ce qu'on peut trouver? On trouve en fait le menhir de Laudborne qui domine une voie ancienne ici. Alors, dite voie romaine, mais certainement aussi plus ancienne. Là, j'ai été les photographier récemment. Donc, on est sur les terroirs de Fontaine-sur-Marne et de Gourzon. Donc, voilà, grand oppidum Leuc qui a délivré notamment un peu plus de 1600 monnaies, dont la majorité attribuée au Leuc. Donc, vous voyez là, le Châtelet est occupé au 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment à la fin de l'indépendance gauloise. Et puis, on a encore ce menhir dans le paysage encore élevé, vous l'avez ici entouré. Donc, voilà, ce sont quelques indices ici sur ces marqueurs de frontières. Maintenant, quelques limites, faire la différence. Donc, on aurait une frontière bien marquée dans le paysage. Maintenant, quelques limites, plutôt ici archéologiques, avec notamment les travaux de Rose Bigoni et de Clément Féliu. Clément Féliu de l'Université de Strasbourg a travaillé sur la diffusion des potins à la grosse tête. C'est la monnaie que vous avez ici, juste en haut à droite. Ces potins à la grosse tête sont attribués au peuple des Sequanes. Vous avez ici une limite de leur peuple. Et ces monnaies sont diffusées dans toute la vallée du Rhin. Et notamment, on les retrouve ici à la Bure sous une dizaine d'exemplaires. Ici, la Bure, donc Saint-Dié-des-Vosges. Ici, on les retrouve en une dizaine d'exemplaires au camp celtique de la Bure. Et puis, on a, avec le travail de Rose, essayer de voir où s'arrêtait la diffusion des monnaies dites Leuc ou attribuées au Leuc, et notamment avec ce bronze. C'est des bronzes frappés. Que l'on dit à Mathieu Génos, effectivement, qui portent certainement le nom d'un des chefs de la tribu, ou du moins d'un pagus ancien attribué au Leuc, qui était soit pro-romain, soit anti-romain. C'est ce qu'on voit un peu partout sur le territoire des Gaules, où pendant la guerre des Gaules, certains chefs vont faire frapper leur monnaie avec leur nom dessus. Alors, on ne sait pas s'il était pro ou anti-romain, mais en tout cas, on a ces monnaies-là. Et si vous regardez, donc effectivement, la plus grande concentration se trouve à Beauviol et environ, donc cette fameuse capitale de la cité des Leucs pour la période gauloise. Et on a une rupture ici à partir de la haute vallée de la Moselle et de la Meurthe, où on ne retrouve pas ces monnaies sur nos sites, sur les sites gaulois des environs. Alors, étonnant, mais on retrouve effectivement ces coins. Donc, ça sera une carte affinée avec le temps, mais c'est déjà un premier point, en tout cas, où on s'aperçoit que ce bassin de Saint-Dié est tourné effectivement là, plus vers la vallée du Rhin. Une autre limite, encore une fois, d'après les sites, je vous ai mis ici le rempart de la Bure, donc le camp celtique de la Bure se trouve juste au-dessus de Marzelet, à quelques kilomètres de nous. Donc c'est des petits sites de hauteur qui font en gros 3 hectares, des plateaux. Le site de la Bure est un gros sanctuaire pour la fin de la période gauloise, où vous avez ici une photo du rempart, un des remparts gaulois, puisqu'on aura plusieurs faces sur ce site. Ici, on dit que c'est un rempart de type Erang, daté de la toute fin du 2e siècle ou du début du 1er siècle avant notre ère. C'est un rempart à poutrage horizontal. C'est un type qui vient de l'Est. Vous voyez le poutrage horizontal. Si vous regardez la légende, tous ces remparts à poutrage horizontaux là, sont représentés par ce petit triangle bleu. La Bure... oui, vertical, pardon. À poutrage vertical, voilà, se trouve ici donc plus à l'est, et on a cette limite ici dans cette... Bon, là, c'est une grosse limite, vous allez me dire, mais on la retrouve dans ce bassin de Saint-Dié, puisque à côté également, on a le site de hauteur d'Oussera, pardon, site de hauteur de 6 hectares, le plus grand site qui se trouve en gros juste derrière le parc de Frépertuis City à Jean-Ménil. C'est un rempart, ils ont construit une butte artificielle avec un parement externe. Là, on retrouve un type aussi comment à poutrage là vertical. C'est une influence de l'Est, tout comme ce type Erang. Donc influence de l'Est à la Bure et à Ousra. Le rempart de la Bure va évoluer certainement au cours de la guerre des Gaules vers un Murus Gallicus, c'est-à-dire à poutrage comment horizontal. Vous avez l'influence ici des Murus Gallicus, donc l'influence de l'ouest et l'influence ici de l'est. Et ici, dans le bassin de Saint-Dié, on trouve les deux types de construction, et on est à la limite entre ces influences dites germaniques ou plutôt orientales et occidentales. Une autre limite que j'ai voulu mettre ici, c'est vrai que les frontières, enfin la frontière peut rimer avec guerre. Ici, chez les Leucs, on connaît ou on retrouve à travers quelques artefacts le passage, on retrouve le passage de certaines légions romaines, notamment à Essel-et-Nancy ou sur l'oppidum de Beauviol, pour la guerre des Gaules. On retrouve donc des indices et notamment des armes qui ont appartenu à des soldats des troupes de César. Et normalement, ces passages de troupes, on les connaît sur les grands sites que l'on retrouve dans la guerre des Gaules, mais ici, dans le bassin de Saint-Dié, on retrouve le passage de ces hommes-là, de ces troupes de César, sur des petits sites comme la pierre d'appel ou le camp celtique de la Bure. Ici, la pierre d'appel a délivré une pointe lance. Donc ça, c'est des anciennes découvertes faites par les fouilleurs de l'époque, ici à Lindébert. Là, vous avez une plaque qui avait été une plaque. C'est une plaque ajourée qui permettait de décorer les harnais de chevaux, ici en bronze. À l'époque, elle avait été attribuée à la période gauloise, mais on le sait maintenant, ce sont des plaques qui décoraient les chevaux, justement, certains cavaliers des troupes de César. Vous avez ici la typologie des armes que l'on peut retrouver sur les sites de ces périodes-là ou sur lesquelles on peut retrouver les traces de ces hommes, des éperons. Et puis notamment des boucles de ceinture typiques ici, circulaires, que l'on retrouve au camp celtique de la Bure. D'autres armes qui appartiennent à ces hommes. Ici, on a des pointes à barbelure unique qui sont typiquement romaines et qui datent vraiment de cette période de la guerre des Gaules. Et puis des balles de fronde, ici, vous en avez en bronze, encore une fois, qui attestent du passage de ces hommes sur ces sites-là. Ce qui signifie qu'effectivement, si d'après les textes, si César nous dit qu'à un moment donné, les Leucs vont donner du blé, vont fournir du blé à Rome ou aux troupes ou à ses troupes, on ne connaît pas le statut des Leucs, on ne sait pas s'ils sont comment, si c'est un peuple libre ou s'ils sont pro-romains. Mais en tout cas, à la fin de la guerre des Gaules, ici dans la haute vallée de la Meurthe, les Gaulois-là ne sont pas pro-romains puisque la résistance va être matée ici par les troupes de César, et voilà les traces archéologiques que l'on retrouve. En rouge, j'en ai pas parlé, ici ça peut être des talons de lance, donc les talons de lance qui permettaient de planter la lance ou les javelots dans le sol. Je vous ai mis quelques exemples, puisque là on reprend depuis très peu de temps le mobilier que entreposé au musée Pierre Noël ici de Saint-Dié, et qui nous révèle non pas des lieux de champ de bataille, mais en tout cas des zones de friction sur nos petits sites de hauteur antique. Là, on va rentrer dans la partie axe voie de communication et de transport, en commençant par les carrières antiques. Alors, je vous ai mis ici une petite carte des sites de hauteur avérés. Donc, vous avez la pierre d'appel au-dessus d'Étival-Clairefontaine, le Varin-Châtel sur le terroir de Saint-Benoît-la-Chipotte et Étival-Clairefontaine, l'Accor à Ousra, le Chastel de Tintru, le camp celtique de la Bure. Bon, le camp romain de Combrimont, pardon, est un site hypothétique comme le Grand Jumeau. À cela, on pourrait ajouter la Haute-Pierre, le Spitzenberg, qui sont des spots, en tout cas pour la période romaine et certainement pour la période gauloise. Et au centre de tout ça, ici, avec le cercle jaune, vous avez les carrières antiques de la Salle, qui ont fourni à la fin du premier âge du fer des meules. Ensuite, à la fin du second âge du fer, au deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ, également des meules, mais des moulins rotatifs. Je vous montrerai la typologie juste après. Et également, ces carrières sont exploitées également à la période romaine. Alors, ces carrières antiques, le site des carrières est connu depuis le 19e, depuis 1826, notamment par Nicolas-François Gravier, qui nous rapporte des découvertes faites par les gens du secteur qui ramassent des pierres rondes. Aujourd'hui, on connaît une trentaine de carrières, ou du moins on a répertorié une trentaine de carrières étendues sur 22 hectares. Alors, on a la chance d'avoir ici, comme nos sites de hauteur, une protection grâce au couvert forestier. Ces fosses que vous voyez là, donc, ce sont des grandes fosses circulaires ou semi-circulaires qui ont des diamètres entre 4 et 25 mètres, qui témoignent d'extraction ancienne. Alors, comment on a pu les dater? Ces carrières qui s'étendent sur 22 hectares actuellement, du moins ce qui est visible, elles se superposent au gisement de rhyolite. La rhyolite, c'est cette pierre particulière qui a permis la fabrication. Donc, ce n'est pas du grès. Vous voyez, le grès rose apparaît ici, tout autour, ici en rose, et la rhyolite ici en rouge. Donc, c'est une pierre, une roche volcanique qui a des principes très intéressants pour la mouture de la farine. Voilà la première exploitation faite, donc au Hallstatt des deux Détroits. On est entre 530 et 470 avant Jésus-Christ. Ce sont des meules plates, donc c'est un type de meule qu'on pourrait retrouver à la période préhistorique, mais pour la préhistoire, elles sont plutôt ici réalisées dans le grès. La rhyolite est vraiment exploitée à la fin du premier âge du fer. Jean-Paul Lagadec, qui a travaillé sur toutes les meules en rhyolite que l'on retrouve dans les musées lorrains, sur les musées lorrains, les recense et a mis en avant 12 types de meules plates différentes. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails là. Vous avez les dimensions pour vous donner une idée. Donc, en gros, ça fait une trentaine de centimètres de long. La table de mouture est ici. Vous posez votre grain et vous l'écrasez à l'aide d'un galet. C'est vraiment une meule rudimentaire héritée de la préhistoire pour les formes. Voilà le travail de Jean-Paul Lagadec qui met en avant, d'après son recensement et les découvertes sur les sites archéologiques, une diffusion de ces meules, donc la Salle est ici, le bassin de Saint-Dié, la Haute-Meurthe, une diffusion par les rivières, notamment la Meurthe et la Moselle, les principaux, et puis tous leurs affluents. Vous avez ici la Seille. Là, vous voyez qu'on se limite en gros, si on coupe la Lorraine en deux, on est bien, bel et bien sur ce qui va être un peu plus tard le futur territoire Leuc. Ici, on présume qu'on a un site princier à Sion qui s'occupe ou qui dirige ce territoire. Et vous savez que les meules, ou comme le fer ici qu'on trouve dans le bassin de Saint-Dié, apportent des richesses. On fait les richesses, on les crée grâce au surplus, donc la fabrication des meules, les surplus agricoles que l'on diffuse. Et là, vous voyez qu'on pourrait avoir une première ébauche de ce territoire qui se marque grâce à la diffusion des meules. L'exploitation donc des carrières va s'arrêter pour reprendre au deuxième premier siècle avant Jésus-Christ, donc à la fin de la dépendance gauloise. Et nos chers Gaulois vont fabriquer des moulins rotatifs constitués de deux pierres. Là, vous avez une ébauche constituée de deux pierres, une partie supérieure, une partie inférieure. Là, vous en avez une trouvée sur un site de consommation, exactement au Chastel de Tintrut. Vous avez sur les côtés, un trou pour fixer votre poignet et puis vous tournez. Ce sont des meules qui font en gros 37-38 cm de diamètre. Donc ça correspond en gros à un diamètre ergonomique. Sans bouger votre corps, vous bougez juste votre bras, puisqu'on a, on a, on a réalisé une meule complète en rhyolite avec un tailleur de pierre pour faire des tests. Vous avez un axe de rotation et puis cette pierre vient se poser sur la seconde. Vous avez ici le schéma de réalisation. Donc là, on est à la fin de l'indépendance gauloise, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pareil, le constat est à peu près le même. Vous voyez que la diffusion, voilà, si on regarde les concentrations, elle se fait grâce et très certainement par les rivières et arrive sur les sites de consommation par ces rivières. Donc, on imagine peut-être par des petites embarcations. Il faut imaginer aussi que le long de ces rivières, il y a aussi des voies. Est-ce que les rivières pouvaient être empruntées à toute saison? En tout cas, voilà, on pense déjà à un commerce à plus ou moins longue distance par les voies. Actuellement, là, vous voyez sur la carte, on a 18 gisements de répertoriés. Actuellement, on le sait maintenant, la rhyolite, cette carte est un peu. Là, c'était l'état de la recherche. Ça vous illustre l'état de la recherche en 2007. Actuellement, on a retrouvé des meules en rhyolite un peu plus loin, notamment dans toute la vallée du Rhin. On en retrouve jusqu'à Perthes en Champagne-Ardenne et on en retrouve en Bourgogne. La diffusion est beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait aujourd'hui. Et tout ça, ça sera encore à faire. On fera le point avec les découvertes de l'archéologie préventive et dans les années à venir pour pouvoir faire un prochain bilan. Là, c'est comme je vous disais, c'est l'état de la recherche en 2007. Une autre fabrication a été mise en avant en rhyolite, toujours, ce sont des mortiers. Alors qu'on n'a pas daté, puisqu'on n'a pas de contexte, où malheureusement, c'est des mortiers qui ont été découverts soit sur les sites antiques, ici la pierre d'appel, soit ici une ébauche trouvée à La Salle. On arrive à les dater. Donc vous avez le diamètre, ça fait 22 cm de diamètre pour une hauteur d'une dizaine de centimètres. Ce sont des mortiers très certainement utilisés pour la cuisine. On arrive à les dater par l'autre découverte majeure faite sur l'oppidum du fossé des Pandours à Saverne, au-dessus de Saverne, au col de Saverne, où Clément Feylu a retrouvé des mortiers en contexte gaulois, donc toujours fin d'indépendance, donc on est entre 80 et 60 avant Jésus-Christ. Donc ce sont des mortiers qui ont certainement été diffusés également comme les meules à travers toute la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. Et puis je vous disais, après la comment à la fin de l'indépendance gauloise, donc le site va certainement, les carrières vont tomber dans l'oubli, puisque nos chers Romains, quand ils arrivent ici, arrivent avec leurs meules en basalte de l'Eifel, donc qui sont fabriquées, donc les gisements sont en Allemagne actuellement. Mais cette exploitation va reprendre certainement à partir de la seconde moitié du deuxième siècle de notre ère pour s'arrêter à la fin du quatrième, ce qui correspond à l'abandon de nos sites romains ici pour le secteur. Et c'est le même principe, c'est un moulin rotatif. Là, vous avez un fragment d'un catylus, donc la partie supérieure du moulin rotatif. Et la meule ici, vous voyez qu'elle est très plate, puisque celle-ci a été trouvée à la bure. Elle a été très utilisée, puisque normalement, elle est beaucoup plus épaisse que ça. Et là, elle est très très fine, puisqu'elle a été retaillée et usée. Donc voilà pour les Fossottes. Encore une fois, la carte de diffusion, vous voyez qu'à la période romaine, on retrouve là, on a effectivement le site de Saverne, et puis on les retrouve sur les grands sites comme Messin. Vous savez qu'à Messin, on a découvert un lieu de stockage de grains important qui a fourni de nombreuses meules, que ce soit Hallstatt ou Latène. À l'échelle locale. Donc ça, c'était pour ce qui était de la diffusion en Lorraine, c'est le travail de Jean-Paul Lagadec. Nous, notre travail sur le local a été de reprendre les meules découvertes sur tous ces sites de hauteur. J'en ai repris ici 126, ainsi que toutes les ébauches que l'on découvre soit au musée, soit chez les personnes qui les ont conservées. Donc on a en gros un corpus de 126 meules, et encore là depuis que j'ai préparé ce PowerPoint, on en a encore découvert d'autres, et puis 17 mortiers. Ça a permis de mettre en avant le travail des carrières, enfin des carrières, pardon, dans les carrières de la salle à la salle Non-Pâtelise, où on a des unités de travail bien délimitées sur le terrain, avec d'un côté les carrières et puis des espaces plus spécialisés réservés aux tailleurs de pierre, c'est-à-dire que les carrières faisaient des premières ébauches de meules et les apportaient ensuite aux tailleurs de pierre qui, eux, faisaient la finition. Alors, on a beaucoup d'ébauches sur le site. Pourquoi? Puisque vous savez que la taille de la pierre, parfois la pierre a des défauts et la pierre va casser. Donc, on a beaucoup d'ébauches sur site. Mais on arrive aujourd'hui à différencier la présence des carrières et des tailleurs de pierre au sein de ces carrières même. On a même mis en avant, puisqu'on a retrouvé des ébauches, là j'en ai mis une ici, une ébauche de meule en grès. Puisque, et ça c'est des anciens qui l'ont mis en avant, le docteur Marcel Molinier en parle dans les années 60, de meules à la sortie du village de La Salle, mais pour lui il parle de meules en rhyolite, puisqu'il a recensé les carrières, sauf qu'on s'aperçoit que géologiquement sous nos pieds c'est du grès. Et effectivement, quand on prospecte, on retrouve des ébauches de meules en grès et de mortiers en grès, ce qui correspondrait plutôt à une exploitation à la période romaine, puisque ces meules en grès, vous en avez une juste ici en haut, retrouvée au camp celtique de la Bure. Alors, les géologues sont d'accord pour dire que c'est certainement pas du grain que l'on écrasait avec cette pierre, mais autre chose, puisque le grès, vous le savez, c'est une roche sédimentaire et qui laisserait un dépôt assez plus important que la rhyolite dans la farine. Et donc après, pour la consommation, ça peut poser plus de problèmes. Nos prospections autour des Fossottes, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que l'on travaille sur le secteur, ont permis de mettre en avant, comme je vous disais, ou de comprendre un peu, de toucher de près les zones des carrières, mais des tailleurs de pierre. Et puis, on a quelques cercles qui apparaissent autour du village de La Salle. Là, vous en avez un qui est relevé, qui pourrait correspondre à un fossé qui délimitait un ancien tertre ou un ancien tumulus, donc une ancienne chambre funéraire de la période gauloise. Et donc voilà, et tout ça, c'est à continuer, ça va être à préciser, puisque là, je vous en ai mis un, mais on en a trois. Les diamètres, en gros, on est entre 20 et 30 mètres de diamètre, et puis on a une interruption dans le fossé. Ici, on ne le voit pas bien, mais on a une interruption sur plusieurs mètres qui pourrait correspondre à l'accès à la chambre funéraire. Donc ici, vous avez la localisation des carrières des Fossottes. Alors, sur le secteur, vous avez la Valdange ici qui passe, qui va rejoindre la Meurthe juste au pied de la pierre d'appel. D'un côté, sur la rive droite de la Val d'Ange, vous avez les grandes fossottes et de l'autre côté, les petites fossottes. Mais tout ça se retrouve dans le toponyme Les Fossottes. Et si vous prenez ici, on a prospecté ici au niveau de la Meurthe. On a retrouvé des aménagements et comme par hasard, on a un lieu-dit qui s'appelle Le Port à Bourmont. Si vous regardez, on a une belle ligne droite ici qui pouvait desservir. Donc c'est certainement une ancienne voie qui permettait de décharger les meules sur la Meurthe ici à ce point donné. Maintenant, pareil, on a d'autres investigations à faire pour pouvoir confirmer nos dires. Mais voilà ce qu'on peut retrouver. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a une grande voie antique avérée ici, qui nous arrive de Rambervillers, qui passe le col du Haut-du-Bois, qu'on appelle actuellement la voie de Paru, qui passe donc effectivement, si elle passe pas aujourd'hui au cœur des quarts des Fossottes, elle peut effectivement passer juste à proximité. Pour se rendre ensuite, elle passait ici à Herbaville, et puis ensuite la ville, enfin l'agglomération antique de Saint-Dié. Ici, voilà, donc une des grandes voies. Et c'est la voie qui correspond donc à la voie antique de la rive gauche de la Meurthe, donc Saint-Dié. Et puis ensuite à Saint-Dié, on peut prendre différentes directions, soit le col actuel, enfin pas la route actuelle, mais en parallèle le col du Bonhomme pour aller dans la vallée du Rhin. Et puis à Saint-Dié, on peut monter aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à Versailles pour aller encore dans la vallée de la Bruche, pour monter d'un côté au Donon, aller en Meurthe-et-Moselle, Moselle actuelle ou dans la vallée du Rhin. Voilà une des voies importantes. Je vous ai remis ici une carte avec nos sites avérés, donc la pierre d'appel, donc nos sites de hauteur ici avec les cercles rouges, la pierre d'appel, le Varin-Châtel, les carrés des Fossottes tout au centre. Hein, si vous regardez ce bassin dans la haute vallée de la Meurthe, on a ici en gros, pour résumer brièvement, un grand plateau entouré par ces hauteurs. Et dans ces hauteurs, on retrouve nos sites de hauteur, donc le camp de la Bure. Un peu plus loin, ici, vous avez la localité de Saint-Dié. Un peu plus loin, donc, on aurait le Chastel de Tintru. Ici, vous avez Ousra. Et puis, nos voies antiques. Donc, la voie dont je vous parlais ici, qui arrive de Rambervillers, qui vient ici rejoindre la rive gauche de la Meurthe et vient vers Saint-Dié, et puis après vers le Bonhomme. Notre voie du sel qui arrive du plateau Lorrain. Donc un peu plus loin, j'ai mis la direction de Deneuvre-Baccarat, puisque Deneuvre, si on prend son nom antique, ou du moins les inscriptions que l'on a pour la période du Moyen Âge, on a Danobriga. Danobriga, si on traduit, c'est la forteresse. C'est l'enceinte fortifiée. Et effectivement, c'est un site de hauteur sur la Meurthe. C'est le premier verrou, puisque après, vous avez véritablement ce plateau lorrain. Et c'est le premier verrou et premier site de surveillance de cette haute Meurthe. Donc voilà, si on arrive de Deneuve, on remonte donc cette vallée de la Meurthe, on arrive certainement à un grand carrefour, puisque ici, au niveau de Saint-Blaise, au niveau du Rabodeau, puisque dans les années 60, à la fin des années 60, on a découvert un pont antique ici au Grand Breuil, un pont daté de la période de la guerre des Gaules, qui serait donc un point de passage important sur cette Meurthe antique. De l'autre côté, on a donc la vallée du Rabodeau qui permet d'aller via le col de Prayer, aller soit vers le Donon ou récupérer les grandes voies pour, comme je vous disais, aller soit vers les agglomérations de Saint-Quirin, de Sarrebourg. Et puis, vous avez ici cette voie du sel qui se dirige vers Salles. Ici, cette voie antique que l'on retrouve encore dans le paysage actuellement, qui passe à proximité de la première borne, la borne dite mère à Salles, et qui permet après de se diriger vers la vallée du Rhin. En conclusion, effectivement, donc on pourrait apporter encore plus de précisions en travaillant sur la présence des différentes légions romaines pour la période romaine. Comme je vous disais, on sait que on a quelques légions qui ont laissé des traces, notamment dans les carrières de nos rois, la 21e légion Rapax ou la 10e légion Gemina. On en a d'autres qui ont laissé des traces à Nasium, puisqu'on a une inscription, un hôtel votif, donc un ex-aux-forges. De tête, c'est la 14e. Non, la 14e, elle est passée à Pont-à-Mousson, pardon, et c'est la 22e à Nasium. Donc tout ça, on est à la fin du 1er siècle de notre ère et 2e siècle. Ici, malheureusement, on n'a pas encore d'inscription d'un passage quelconque, mais en tout cas, pour la période de la guerre des Gaules, on a des traces du passage des hommes de César sur nos sites de hauteur. Effectivement, J'ai mis aussi cette petite question qui restera en suspens. Donc, la Haute-Vallée de la Meurthe, un pagouze de l'Antiquité. Pourquoi pagouze? Donc, un pagouze, c'est un découpage administratif. Donc, c'est une petite localité. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de nos com-com. On connaît pour les périodes antiques un pagouze pour Soulos, un pagouze pour Nasium. Pourquoi pas la Vallée de la Meurthe? Nos menhirs délimitent un territoire ici, nos menhirs ou nos bornes antiques délimitent un territoire dans le paysage. On pourrait même pousser un peu plus loin si on reprenait aussi effectivement les limites des grandes abbayes dans la vallée du Rabodeau. Voilà, on aurait et encore un autre témoignage aussi qui nous permet de dire que le bassin de Saint-Dié avait un peu son indépendance au niveau des décisions à prendre, puisqu'on a un culte. À la Bure, on a retrouvé une inscription vouée aux Dianis. Alors Dianis, c'est pas la Diane romaine, mais c'est les Dianes, donc c'est bien, bel et bien les déesses mères. On a une autre inscription équivalente sur un autel dans le nord de l'Italie, à Vicence. Voilà deux occurrences qui nous permettent de dire que là, on est bel et bien à la période romaine, mais on conserve un culte à ces déesses mères. Ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire comme vous l'avez vu pour les bornes Leuguer et pas Millière, on conserve ici, on conserve des choses de même. Si on a la période romaine, des choses bel et bien gauloises. Donc ça veut dire que les gens qui sont ici dirigent bel et bien le territoire, même s'ils sont mêlés à l'administration romaine. Autre, pour finir, autre matériau ou matière pardon, qui voyage et qui fera la richesse des hommes d'ici, qui dirigent le pays, c'est le fer. On a répertorié un peu plus de 300 minières, donc c'est des tranchées, donc c'est des tranchées repérées en forêt. Plus de 300 minières autour, qui se concentrent autour des sites de hauteur, de la Bure, du Chastel, là ici dans le massif de la Madeleine et autour de la pierre d'Appel. On a quelques mines aussi, malheureusement on n'arrive pas à les dater, mais des mines certainement plus récentes, où on constate l'exploitation du minerai de fer, puisque le grès. Dans le grès, dans les failles du grès, on retrouve ce minerai. Je vous ai mis quelques photos. Ce minerai qui va se concentrer et qui va être exploité par les hommes. Alors, par comparaison, si on va du côté de Grandfontaine, par exemple, on sait que les archéologues qui travaillent par là-bas arrivent à dater ces minières du Haut Moyen Âge, entre le 6e et le 8e siècle. Ici, on n'a pas de datation. Ça peut être moyenâgeux, effectivement, mais comme par hasard, ça se concentre autour des sites des grands sites antiques, donc la Bure, la pierre d'Appel, comme je vous disais, le Chastel de Tintrum. Maintenant, on va Rachatel également. Alors, on n'a pas plus d'éléments à apporter à cette problématique, mais en tout cas, ce fer est exploité. On sait qu'à la Bure, à la période romaine, c'était un village de forgerons. On exploitait le fer arrive en lingots, on fait des outils qui sont vendus aux gens du secteur, mais qui peuvent partir aussi, comme je vous disais, c'est toujours les surplus qui amènent la richesse. Donc voilà, là on sortira prochainement aussi une publication pour parler de nos prospections. Et toutes ces minières, en fait, sur le terrain, elles ont toutes la même orientation, puisqu'elles correspondent à un réseau de failles. Elles sont toutes orientées nord 15 degrés. Elles correspondent à un réseau de failles qui s'est formé lors de l'effondrement du fossé rhénan. Pour terminer, je vous ai mis une ancienne carte, enfin une ancienne carte pas si vieille que ça, qui est datée de 1707, si je ne dis pas de bêtises, de Guillaume de Lille, où on voit les différents pagouzes pour cet ancien, vous l'avez ici, Pagus Toulensis, ou la Civitas Lucorum, donc la cité des Leucs. Cette carte qui nous présente les différents Pagus au sein de cette ancienne cité des Leucs, et on a pour le diocèse, puisqu'ici la Haute-Vallée de la Meurthe est très certainement rattaché, donc oui, effectivement, au diocèse de Toul, mais au Pagus Calvomontensis, donc à Chaumont. Et on voit sur la carte un découpage ici pour le Val de Saint-Dié ou le Val de Galilée, qui pourrait, là, vous voyez, c'est juste des traits, on n'a pas plus de précision, mais ça serait à affiner, qui pourrait effectivement confirmer que la vallée de la Haute-Meurthe, et notamment ici le bassin de Saint-Dié, pouvait déjà être un territoire limité aux périodes antiques et périodes gauloises. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Et puis si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à passer sur notre stand. On sera là cet après-midi. Voilà, je vous ai mis quelques photos de ce qu'on peut faire. Et puis si vous avez des questions, si j'ai pas trop dépassé, non, bah c'est bon. Si j'ai pas trop dépassé le temps, voilà. Je vous remercie. Alors, je tiens à remercier Jérémy, pour cette présentation qui est vaste et qui montre toute la difficulté pour les périodes anciennes que de pouvoir prospecter l'histoire, puisqu'il faut faire feu de tout bois, mobiliser beaucoup d'indices et travailler finalement avec relativement peu de certitudes. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment, en accumulant des indices, on peut essayer de réfléchir à un territoire, même si effectivement on est en zone toujours difficile. Alors, y a-t-il des questions dans la salle sur tel ou tel aspect de cette présentation? Il y a un micro qui est dans la salle, donc si vous souhaitez une question. Oui, justement, oui, le Val de Galilée, c'est dans notre histoire, c'est ce val, c'est ce qui va rester comme la création de Déodat, ce fameux Val de Galilée, effectivement, qu'on retrouve dans Notre-Dame de Galilée. Voilà, et là, il est délimité sur la carte et sur le territoire, apparemment. Maintenant, voilà, t'en dire plus, voilà. La limite du chapitre ici de Saint-Dié, et puis les grandes abbayes, mais là, on est bien après. Hein, ici, le chapitre, voilà, le chapitre va se mettre. On sait que l'église Notre-Dame, ici de Galilée, justement, c'est 11e. La grande église qui va devenir cathédrale au 18e, c'est une grande église 13e. Voilà, on est encore après, juste après. Mais ce Val de Galilée, c'est un témoignage plus ancien. Alors, si je peux rebondir, si vous me permettez une remarque encore une fois. On retient aussi, ici aujourd'hui, vous savez, ici, on est accueilli par la ville de Saint-Dié. Effectivement, Saint-Dié, on retient que c'est l'abréviation de Dieudonné, puisque la traduction de Deodatus en latin, ce moine évangélisateur de l'école de Colomban, qui vient ici, qui remonte la Meurthe, qui s'installe, va laisser son nom, effectivement, à la ville, va certainement, le nom antique, ou du moins un des noms anciens de la ville de Saint-Dié, c'est les Jointures. Pourquoi Jointures? C'est là où se rejoignent le ruisseau du Robache et qui se jette dans la Meurthe. Et comme par hasard, les Jointures, si vous regardez l'actuelle cathédrale, ou Notre-Dame de Galilée, elle est sur une hauteur. Cette hauteur a pu être occupée certainement à l'époque, je ne dis pas gauloise, mais romaine. Pourquoi? Puisque sous la cathédrale, on a retrouvé une stèle romaine. Et j'irai un peu plus loin, on sait aussi également qu'on a la chapelle du petit Saint-Dié de l'autre côté de la gare, là où justement Saint-Déodat s'est posé et a fait construire son oratoire, soi-disant d'après l'histoire. On a une petite chapelle construite avec des fragments de stèles gallo-romaines. Encore une fois, on est dans un lieu ancien, avec une histoire plus ancienne que l'Église nous le dit. Mais pour revenir sur Saint-Dié, donc je vous disais l'abréviation de Dieudonné en français, Saint-Dié effectivement, mais. Là, je travaille également sur la cité des Vaucons dans le sud. Et la cité des Vaucons avait pour capitale, à un moment donné, la ville de Die. Et si on prend Die en occitan, c'est l'ours. Alors, je vais pas faire de parallèle ou de je vais pas faire trop de raccourcis. Comme par hasard, sur le camp celtique de la Bure, on a retrouvé des petites têtes d'ours en bronze qui pourraient nous illustrer un culte de l'ours. La région de Die également, je reviens dans le secteur de Die. Vous connaissez la fameuse clairette de Die. Elle nous a laissé une quinzaine d'inscriptions à la déesse Andarta, à la déesse ours. Alors je ne sais pas si ici on a un lien encore une fois, puisque vous savez que l'Église reprend entre guillemets soit les croyances ou les noms ou tu quoi. L'Église, c'est une évolution du passé. Mais voilà, en tout cas, je suis en plein dedans en ce moment, réflexion. On pourrait avoir, pourquoi pas, un lien, puisque passer de Dieudonné à Dieu, pourquoi pas. J'ai pas encore le patois local qui pourrait encore nous apporter des choses, mais pourquoi pas, voilà. Juste faire une remarque, vous dire, tiens, voilà ce qu'on avait fait une conférence il n'y a pas si longtemps que ça sur la déesse aussi, Belisama, je vais pas m'attarder, mais Belisama, par exemple, c'est une déesse de source. Et Belisama, si vous prenez les syllabes dans l'autre sens, ça vous donne Massabielle. On connaît une quinzaine de Massabielle. Effectivement, la plus célèbre, c'est la grotte de Massabielle à Lourdes, où Lourdes est installée sur un site gaulois de hauteur, et les grottes sont installées sur un ancien sanctuaire dit païen, mais gaulois. Donc voilà, pourquoi pas une résurgence de ces croyances plus anciennes, ou en tout cas, je laisse après libre cours à votre imaginaire, mais ou si vous avez d'autres choses à apporter à la discussion. Toujours les difficultés des sources toponymiques qui sont très complexes et qui échappent à beaucoup, à part quelques linguistes. C'est vraiment toujours des sources extrêmement difficiles à manipuler et où on arrive rarement à sortir de l'hypothèse. Ça, c'est toujours la frustration. Une question, oui? C'est sur les voies de communication. Voies de communication de la Meurthe, le long de la Meurthe, en dehors de la rivière. J'ai lu récemment un livre du 19e siècle où on disait qu'il n'y avait pas de passage à Raon-l'Étape. Alors, je parle du Moyen-Âge, hein, vers le 11e siècle. Il n'y avait pas de passage parce qu'à cause du confluent de la plaine et de la Meurthe, c'était très marécageux. Alors, à l'époque de la construction du château de Beauregard, il y avait une ou deux maisons, c'est tout. Donc, la route, d'après ce qui était écrit, mais je me méfie toujours des auteurs du 19e, mais d'après ce qui était écrit, la route passait derrière la montagne où se trouvait le château de Beauregard et allait vers le Donon. Alors, je voudrais savoir si, ça c'est au Moyen-Âge, si c'était la même chose du temps des Lucs. Merci. Alors, justement, oui, bonne question, bonne remarque. En tout cas, on a une voie. Bon, là, malheureusement, la carte est un peu petite, mais vous allez me faire confiance. Donc, la pierre d'appel est ici. On a une voie, on a ce fameux col de Trace un peu plus loin. Donc, en fait, il y a une voie qui arrive de Rambervillers, qui serait aussi antique. Du moins, on a retrouvé des parcelles au niveau du col de Trace. On a des voies abandonnées, pavées, une voie qui part, donc qui fait la crête de tout ce massif de la forêt domaniale de Répy, qui part et qui passe à proximité du menhir des Lèches et qui descend vers la Neuville. Mais on a ici aussi également une voie ici qui passe au pied de la pierre d'appel et qui passerait après. Qui prend la direction effectivement de la Neuville. Et pour un l'étape, effectivement, on aurait une voie qui passerait au niveau de Châtel. Au niveau des châtels, voilà, tout ça c'est à voir. En tout cas, on a une voie effectivement qui passe au-dessus, ou du moins qui passe de ce côté-là et non pas dans le fond de la vallée. En tout cas, ça c'est pour la partie de la rive gauche, mais sur la rive droite, on aurait Saint-Blaise aussi. Saint-Blaise est une localité ancienne, puisque juste au-dessus, donc en face de la pierre d'appel, grosso modo, vous avez la Haute-Pierre ici, et on sait, la Haute-Pierre qui domine, mais on sait que c'était aussi un point antique, mais au-dessus de Saint-Blaise, on aurait aussi quelque chose qui se passe, et on aurait aussi une voie sur cette rive-là. Après, on n'a que des indices comme ça, bref, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, Raon-l'Étape devait avoir des voies qui passaient. Voilà, en tout cas, les deux voies que j'ai, une au pied de la pierre d'appel et une qui traverse dans le massif. Je reviens aussi sur le climat. Vous avez fait une bonne remarque, les marécages. Effectivement, on sait qu'à la fin de la dépendance gauloise, le climat n'était pas très favorable. En tout cas, les zones en fond de vallée étaient très humides. Et puis, ces fonds de vallée, en partie, ont été non pas abandonnés, mais n'ont pas été drainés, ou un peu plus tard. On sait que les conditions climatiques ont été un peu plus moins favorables, ou du moins ont été plus humides, on a eu beaucoup plus de pluie, et ça, on le sait de par nos études sur la palynologie. Et à la fin de cette indépendance gauloise et au premier siècle de notre ère, ce climat va s'arranger. Les Romains vont connaître, à la période romaine, on va connaître un optimum, ce qu'on appelle un optimum climatique. Et le temps va changer, je suppose, je n'ai pas de date précise, mais je peux avancer en gros une transition vers 150. Pourquoi ? Puisque archéologiquement, vers 150 de notre ère, c'est là où les gens vont quitter les fonds de vallée et vont réinvestir les sites de hauteur. On se rapproche du soleil, on quitte les fonds de vallée de nouveau marécageux. Et puis, il faut imaginer si aujourd'hui, on a là tous ces sites de hauteur là, qui dominent le bassin de Saint-Dié sont sous couvert forestier actuellement. À l'époque, toutes ces hauteurs étaient complètement dégagées. Hein. Il suffit de remonter jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Si on prend des cartes postales avant 14, ici, la Bresse, notamment, les Hautes-Vosges, tout était dénudé, quoi. Donc voilà. Voilà pour les marais. Maintenant, les voies, tout est à refaire. Effectivement, si on prend les anciens, ils font passer, en fait, ils tracent des traits. Effectivement, voilà ce que je connais. Donc, je vous dis, au pied de la pierre d'appel, on avait une voie. Dans le secteur-là, derrière la médiathèque, au niveau d'Étival-Clairefontaine, on avait le pont gaulois qui passait sur la Meurthe. On n'a pas sa position exacte, puisqu'il a très certainement été emporté par une crue de la Meurthe. Et puis donc un passage, comme je vous disais, donc qui coupe la Meurthe au niveau d'Étival, un passage au pied de la pierre d'appel et un passage effectivement au niveau du plateau des Lèches. Hein. Les Lèches, on est encore peut-être dans une survivance des Leucs, ou voilà un témoignage ancien. Mais en tout cas, voilà la voie et puis direction la Neuville. Voilà les voies supposées là antiques qui se rejoignent après et qui repartent après vers Deneuve. Et on aurait une voie en gros. Sur la rive gauche et la rive droite de la Meurthe, hein, tout de même. Alors, une autre question, oui, monsieur Thierry. Moi, j'en profite le temps que le micro lui arrive pour simplement vous dire qu'il faut aussi, hein, quand on parle de voie de communication, bien contextualiser le type d'usage. C'est-à-dire que selon qu'on parle d'une communication d'homme à cheval ou d'un commerce de charrette avec des produits, avec des choses beaucoup plus lourdes, on va avoir en fait des circuits de voie qui sont différents. On parle souvent de voie de communication ou de point de passage. On est, je dirais, sur des communications bien établies pour des marchandises. C'est là qu'il y a des contraintes. Le cavalier ou les groupes de cavaliers, je dirais, peuvent quand même être relativement libres dans les voies qu'ils peuvent emprunter. Et même sur des zones pas très bien drainées, des choses comme ça, on peut envisager du passage. Il ne faut pas imaginer que c'est des zones totalement étanche. Par contre, on ne va pas pouvoir y faire passer des corps d'armée, on ne va pas pouvoir y faire passer des grandes quantités de marchandises. Donc, il faut toujours réfléchir, et c'est assez difficile, de manière diversifiée. Il n'y a pas, je dirais, la carte Michelin de l'Antiquité avec les routes et les seules qui existent, et puis rien d'autre en dehors de ça. On est sur des modes de locomotion qui sont assez différents de l'automobile à laquelle on a besoin, où effectivement, il y a une route ou il n'y a pas de route, et l'entre-deux n'existe pas vraiment. On n'est pas tout à fait dans cette configuration-là sur les périodes antiques et au Moyen-Âge. Même si, oui. Excusez-moi, si, même si on a là la carte de Peutinger, enfin cette table de Peutinger, on est sur les grands réseaux tracés droits, bien sûr, et qui relient les grandes agglomérations et pas... Voilà. On reprend les questions de la salle. Oui, alors quelques remarques, quelques points, je dirais, de réflexion. Tout d'abord, dans la symbolique de l'ours. Si on se réfère à Saint-Richard, la symbolique de l'ours est très présente et je pense que ça n'est pas innocent. Et son lien avec Andelot, je dirais, l'est particulièrement. Et donc, Saint-Richard, c'est Étival, mais ce n'est pas le site qui est uniquement Étival, je dirais, la localité d'aujourd'hui, c'est un territoire, en fait, hein, d'une certaine manière. Donc, la symbolique de l'ours, elle est à étudier aussi au travers de cela. Mais là, on est au 8e, 9e siècle, hein, d'une certaine manière, dans la référence à Saint-Richard. L'autre remarque, c'est par rapport au pont qui était sur la Meurthe. Alors, le pont, c'est une traverse, en fait, du pont. Hein, ce n'est pas l'enjambement de quelque chose, c'est la largeur du pont qui, en fait, a été retrouvée dans, dans la partie, je dirais, alluvionnaire de la Meurthe à la hauteur de la pierre d'appel. Derrière, vous avez dit la médiathèque tout à l'heure. Alors, c'est un peu plus loin. Je dirais c'est les gravières qui ont été, dans lesquelles on l'a extrait. Et l'autre remarque, vous avez dit débordement de la Meurthe. Moi, je suis de plus en plus convaincu que l'impétuosité de la Val d'Ange était peut-être plus à risque que l'impétuosité de la Meurthe, d'une certaine manière, pour cette partie, je dirais, de gauche de l'axe de d'écoulement des eaux, je dirais, du bassin à cet endroit-là. Ensuite, lorsqu'on regarde à partir des voies, disons, qui ont déjà une certaine ancienneté, on s'aperçoit que les axes de communication étaient nord-sud, c'est-à-dire par, je dirais, le col de Trace. Eh ben, on pouvait aller vers Deneuvre, je dirais, d'une certaine manière, qui avait du sens, je dirais, d'une certaine façon, et que les voies qui sont en bord ou en lisière, disons, de forêt ou en bord, disons, du fond de vallée, avaient un sens par rapport aux abbayes, par exemple pour l'abbaye d'Étival, son lien avec Rang-l'Étape, avec la Neuville, je vais dire plutôt par Rang-l'Étape, avec la Neuville était important. Et d'ailleurs, on a une trace, disons, quelque chose qui est intéressant, c'est ce cimetière qui est au pied de la pierre d'appel, hein, je dirais pas très loin de la basse Baccara, où ça a été jusqu'au 18e, je ne sais plus, 17e ou 18e siècle, disons, le cimetière de l'ensemble, disons, du territoire. Donc, je crois qu'on a intérêt aujourd'hui à regarder un petit peu comment les choses se faisaient. Et il y a des marquages qui sont intéressants. C'est-à-dire que quand vous avez une voie, vous avez des accidents sur les voies. Vous avez donc des traces, disons, issues de ces accidents. Et si vous regardez les labourages qui se font dans ce qu'on appelle la prairie au niveau d'Étival, dans la partie basse, qui est comprise entre la Val d'Ange et la Meurthe, on y trouve des tas de fragments de tuiles romaines à certains endroits qui montrent qu'il y a un certain nombre de chariots qui, peut-être en traversant ces zones marécageuses sur quelque chose d'aménagé, je dirais, ont versé et ont laissé leurs marchandises, sur le territoire. D'ailleurs, on en trouve encore aujourd'hui, d'une certaine façon. Alors, peut-être moins, peut-être un peu plus abîmé, parce que l'agriculture d'aujourd'hui, va plus profond, mais on trouve encore pas mal, de traces. Et lorsque l'INRAP a fait des fouilles pour la médiathèque, il a été identifié un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il y avait, une voie antique qui passait par là, puisqu'on en a les traces au travers des restes de ces tuiles romaines ou autres. Alors, pour rebondir aussi sur l'ours, et puis pour rebondir sur l'ours aussi, vous savez qu'on a découvert récemment, c'est Jacques Clavier à l'église de Saint-Jacques-du-Stat, a découvert une tête d'ours ou de tarasque, puisque la tarasque, pareil, vouée, la fameuse tarasque de Tarascon sortie par Sainte-Marthe, est déjà attestée chez les Celtes, puisqu'on a cette fameuse tarasque de Nove, qui est datée du 2e avant Jésus-Christ. Et on aurait une tête, donc la tarasque de Nove, elle est bien représentée, soit tête d'ours avec des grandes dents, mais on a retrouvé aussi une tête à l'église de Saint-Jacques-du-Stat, donc encore une fois, un parallèle avec le secteur à faire. Vous parlez de la Neuville aussi, donc très bonne remarque, effectivement, le pont, bon, je ne suis pas rentré dans les détails ici, puisque je n'ai pas mis non plus de photos, on aurait pu mettre effectivement quelques clichés de la découverte, mais à la Neuville aussi, on avait l'église de Saint-Georges, enfin, on a toujours. Et Marcel Moulini, vous regarderez le cliché qu'il fait de ce fameux Saint-Georges terrassant le dragon, celle qui n'a pas de tête, ce fameux Saint-Georges pris et publié dans le livre de Moulini. En fait, si vous regardez juste à côté du cheval, on a des stèles funéraires qui sont pas chrétiennes, mais qui seraient romaines. Et on aurait là, on serait pas en présence d'un Saint-Georges, mais plutôt d'un Taranis Jupiter qu'on retrouve à la Bure, qu'on retrouve au Donon. Et cette statue-là, je cherche encore à la, je pense qu'elle existe toujours, du moins j'espère la retrouver pour la photographier et l'étudier de près. Si on voit sur le cliché, on voit qu'elle est cassée en deux. En tout cas, il manque la tête du cavalier. Et puis, ces selles sont rapportées. Alors, est-ce que c'est rapporté ou est-ce que ça appartient bien, bel et bien au même groupe? Mais en tout cas, là, on a quelque chose à chercher encore. Et la Neuville, où ce Saint-Georges ne serait pas moyenâgeux, mais plutôt antique et bel et bien romain. Donc, voilà encore une fois. Et voilà pour les remarques. Mais on a à travailler, de toute façon, tous ensemble et voir ce qui se passe après et ce qui se passe avant. Merci. Beaucoup d'hypothèses à vérifier en perspective. Beaucoup de travail pour les générations d'historiens, amateurs ou autres qui souhaitent se pencher dessus. C'est une bonne chose. On va clore pour cette première conférence. J'en profite pour vous signaler, puisqu'on a évoqué la figure de l'ours à plusieurs reprises, que le comité d'histoire régionale vous proposera dans le cadre des Imaginales à la fin du mois de mai à Épinal, une conférence d'Anne Wagner, donc, qui est spécialiste de la géographie, sur la figure de l'ours et les saints, qui vous permettra d'avoir aussi quelques données complémentaires, puisque l'ours est l'animal roi du Moyen-Âge, avant que le lion s'impose dans nos panthéons modernes et contemporains. Je remercie Jérémy Gracio pour cette présentation plutôt archéologique.